Le Cercle bulgare d'études du kim-jongulisme a présenté dans son page internet le test intégral du discours du maréchal Kim Jong-un, inaugurant l'âge d'or du mouvement de la jeunesse kim-jongulisme, prononcé à la 9e conférence de l'Union de la jeunesse socialiste Kim Il-sung.